Doublette suivante, eh bien, c'est tout simplement la première nouveauté pour aujourd'hui. Donc on est toujours dans l'aspect française, hein, aspect française que vient d'ouvrir The Scalar Process. Et donc on va s'écouter un titre de Junon. Alors c'est un faux nouveau groupe, Junon, puisque anciennement le groupe s'appelait General Lee. Voilà, sorte de post-hardcore, fortement influencé par Cult of Luna par exemple, mais en moins atmosphérique sludgy. Donc voilà, General Lee est devenu Junon l'année dernière. Le groupe évolue à 3 guitaristes et vient de sortir un EP 4 titres, une vingtaine de minutes au total. Voilà, et dans les références autour de Junon ex-General Lee, on retrouve la formation Norma Jean. Voilà, les présentations sont faites pour la première nouveauté de ce soir. Et en doublette avec Junon, on va s'écouter les Normands de Salo, groupe grindy, crusty, bien violent. Premier EP, Sortez vos morts, EP déjà disponible. Carcosa, le titre pour Junon ex-General Lee. Salo, on s'écoutera le titre Sonnez la curée. Et c'est parti, toujours dans l'aspect française. tueur commettrait un crime à leur place. Beaucoup de nos spectateurs se sentent libérés du besoin de passer à l'acte. Passer à l'acte. Passer à l'acte. Passer à l'acte. La suite, toujours dans l'aspect française, hein. Pour rappel, vous êtes à l'écoute d'Elbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Et puis, si vous n'avez pas l'occasion d'écouter l'émission en faux direct, vous pourrez la retrouver dès demain soir, hein, les lundis en fin de journée, via notre petit blog Elbanger Radio Show sur Blogspot. On est dans l'aspect française avec maintenant Visceral Uprooting, excellent one-man band qui nous vient de Rennes. On est sur du pur brutal slam death, inspiration texane. Voilà, on en est sur le premier album après un EP qu'on avait diffusé l'année dernière, si je ne m'abuse. Visceral Uprooting sort son premier album 5039 Square Kilometer Mass Grave, une sortie sur le label Vile Tapes Record. On s'écoutera le titre Dragging Limbs. Et dans la foulée, on s'écoutera un morceau de Jour Pâle, qu'on vous diffuse depuis quelques temps. À noter un guest sur le titre de Jour Pâle, puisqu'ils se sont accoquinés avec les membres de Psychonaut 4, plus précisément le vocaliste Graf. Hein, pour rappel, Psychonaut 4, c'est un groupe plutôt culte en termes de DSBM, qui nous vient d'ailleurs de Géorgie, hein, la Géorgie européenne. Voilà, donc là, la voix de Graf est bien distincte de celle de Spellbound, le chanteur originel de Jourpal, puisque bah, déjà lui il chante en anglais, tandis que Spellbound chante en français. Voilà, petite collaboration sur cet album de Jourpal. Et on s'écoutera le titre Des jours à rallonge. Le premier album de Jourpal s'intitule Éclosion et c'est une sortie Les Acteurs de l'Ombre. C'est parti. La suite, pour clôturer, donc sortir de l'aspect française, c'est Proudhon, groupe de Crusty Grindcore, qui nous sort The Damaged Body, pardon, des titres assez courts, hein, directs et efficaces. On va donc s'écouter en doublette, puis Sainte-Marie, enchaînée à 1936. 1936, hein, on est directement dans les inspirations, bien sûr, anarchistes de Proudhon, les premières congés payés, la révolution socio-professionnelle, etc., etc. Et dans la foulée, on s'écoutera Spelljammer avec un extrait de leur nouvel album Abyssal Trip avec le titre Among the Holy. C'est parti, Proudhon enchaîné à Spelljammer. Oh! Et on s'approche tout tranquillement de la fin de l'émission d'aujourd'hui. Et oui, déjà. Et avant tout simplement la fin de l'émission, on va s'écouter de nouveau un petit focus proposé par l'ami Thibaut. C'est parti. Rebonsoir à tous. Alors comme vous l'aurez vu, exceptionnellement, on n'a pas fait de focus sur un groupe français cette semaine. Mais c'est pas grave, ça reviendra la prochaine fois. En tout cas, pour ce second focus, on va aller voir chez nos voisins suisses pour un groupe qui est beaucoup, beaucoup moins accessible et beaucoup plus raide à écouter que Crystal Viper, puisqu'il s'agit du projet DSKNT, un groupe de Death Black qui nous vient du canton du Valais en Suisse. Le groupe est formé en fait d'un duo, on a le chanteur Quasar et donc l'autre membre ASKNT qui fait tout le reste en fait. Pour définir très rapidement et un petit peu grossièrement même la musique de DSKNT, parce que c'est dommage de les réduire qu'à ça, mais il faut un petit peu imaginer un mélange entre le groupe de black metal avant-gardiste Deathspell Omega et le groupe Portal, le groupe qui nous fait du death expérimental complètement indigeste. On est un petit peu dans ces registres-là. Là, ils nous sortent donc leur second album, donc il a été précédé d'un album en 2017 qui s'appelait PHSPHR Entropie. Alors oui, tout comme la musique, les noms des fois sont un petit peu difficiles à appréhender, donc je m'excuse si je massacre un petit peu le sens et la prononciation des titres. En tout cas, donc ce premier album, c'était déjà une belle tuerie. Bon, moi je l'ai découvert là, parce que je ne connaissais pas le groupe avant de commencer cette chronique. Mais ouais, on a une ambiance qui est déjà bien pesante, bien oppressante. Comme je disais, la musique du groupe, elle est hermétique, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender. Et ouais, déjà une très belle réussite. Et donc ce second album s'intitule Vacuum Gamma Noise Transition. Il est sorti le 5 février 2021 et c'est signé sur le label Sentier Ruin Laboratories. Alors déjà au niveau de la pochette, moi c'est un style que j'aime beaucoup. C'est à la fois très chargé parce qu'on a une espèce de forme rocheuse ou métallique qui est torturée, découpée, piquante et tout ça. Et à côté de ça, c'est très minimaliste et simpliste et dans un sens presque vide. On ressent vraiment quelque chose qui est absent à cet endroit-là et c'est déjà très pesant. Et ça colle tellement parfaitement à la musique qu'il y a dans l'album. Enfin, c'est très simple, hein. En dehors de l'intro et de l'outro de l'album, on a un mur de son de 35 minutes qui ne s'arrête jamais. Il n'y a pas une seconde pour respirer, le chant, il vous prend aux tripes et il vous enfonce jusqu'à un niveau, vraiment, c'est très pesant. Et on a la batterie qui fait un espèce de roulement en continu, du coup ça rend le truc vraiment abrutissant. Et les guitares qui sifflent tout du long, mais c'est pesant, c'est vraiment, je me répète, hermétique, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à la fois à aborder, mais aussi à s'en sortir musicalement, parce que on est vraiment plongé dans le truc du début à la fin, quoi. C'est clairement pas de la musique à mettre entre toutes les oreilles, mais c'est tellement bien fait, et c'est tellement prenant, il y a une ambiance qui vous saisit, et qui vous lâche pas, vraiment pour les amateurs du genre, ceux qui aiment le Black Death, tout ce qui est un petit peu expérimental et avant-gardiste, vraiment cet album il est fait pour vous quoi. Et du coup alors on va s'écouter un extrait de l'album, alors bon c'est un morceau en entier, mais je dis volontairement un extrait de l'album parce que bon c'est quelque chose qui est très monolithique, et du coup en fait ça mérite réellement d'être écouté d'une seule traite. On va s'écouter le morceau donc qui ouvre l'album après l'intro, Deconvolution J/Psi Part 1. Alors ça commence sans aucune cordialité et ça vous mettra vraiment dans le bain de ce qu'est l'ensemble de l'album. Voilà donc pour illustrer ce nouveau focus proposé par Thibaut de DSKNT, on va s'écouter un titre de leur nouvel extrait Vacuum Noise Transition avec le titre Deconvolution J/Psi Part 1, et dans la foulée de DSKNT, on va s'écouter un titre de The Inquisitor, excellent groupe de Death Goddess Humanoid, c'est le nom de leur nouvelle EP, une sortie Dark Descent Records, et on s'écoutera le titre Empyrean Lime Form, c'est parti. Yeah. Doublette suivante, on est dans les trois derniers groupes pour ce soir. Un morceau super ambitieux et super intéressant signé Conquest. Morceau 100% instrumental, bien cool, hein, on est toujours dans les pures inspirations Heavy 80. Ça sointe un petit peu le Maiden sur cet extrait instrumental. Voilà, c'est mortellement efficace. Et dans la foulée, Knives, groupe espagnol, Pays Basque espagnol, qui nous propose la sortie d'un entre un EP et un mini album. Puisque voilà, 7 titres pour une vingtaine de minutes. À noter que le groupe a déjà sorti un album et un EP. On est sur du Crusty Death and Roll, c'est bien coolos. Ça réinvente rien, mais ça s'écoute très très bien. Donc voilà, pour rappel, Knives, ça nous vient du Pays Basque espagnol. Voilà, puis c'est surtout une des autres nouveautés de l'émission d'aujourd'hui. Conquest, avec le titre Fall of the Conquerors, rappelle un morceau instru hyper cool, hyper intéressant à s'écouter, extrait de leur nouvel effort studio The Night Goes On. Et dans la foulée, Worth It, extrait de Collapse, nouvel EP mini-album signé Knives, et c'est l'autre nouveauté de ce soir, enfin deuxième nouveauté pour ce soir. Et voilà pour clôturer l'émission Hellbanger d'aujourd'hui. Et bien pour la dernière doublette, on va l'ouvrir avec une nouveauté. Gravesend s'est présenté comme du Savage Black Death avec une petite touche de grindcore. Un trio, un power trio qui nous vient de New York. Premier effort studio longue durée, après une démo qui est sortie l'année dernière. 15 titres pour 27 minutes. Vous vous doutez bien que les morceaux dépassent rarement les 2 minutes. C'est violent, c'est crasseux, c'est légèrement old school. C'est exactement ce qu'on adore. Voilà, bonne découverte avec Gravesend. Method of Human Disposal, c'est le nom de leur premier effort studio longue durée. Et dans la foulée, on s'écoutera un nouvel extrait du nouvel album de Infected Humans, une Expected Traumatic Experience. On est bien sûr sur du putain de brutal slam death bien dégoulinant. Gravesend, on va s'écouter le titre de l'album, Methods of Human Disposal. Suivez bien, ça va très très vite et c'est très court. Et on clôture l'émission d'aujourd'hui avec Altered by Substances, signé Infected Humans. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous. À dimanche prochain, ciao ciao.